Cette émission est une présentation de RZO. Pour plus de podcasts et web télé, rendez-vous sur rzoweb.com. Let's get BC. Vous avez un problème, nous avons un podcast. Bonjour et bienvenue à la balado-diffusion. Pas de problème, ici Frédéric Barbouchier en compagnie de Martin Boily. Salut Frédéric. Salut Martin. Étienne Théberge. Salut Frédéric. Salut Martin. Salut. Salut les gars. Et Mathieu Bouillon. La popessa. C'est des pâtes fraîches, il y a du choix et il y a de la joie. La popessa. Magnifique. Et c'était pas pisse. C'était pas pisse. On fait bien. Alors, 215. Wow! 215. Un chiffre magique. Déjà 2 ans et quart. C'est 195 de plus que ben des podcasts. Oui, non, mais 215, on est dans notre 4e saison. 5 non, ans plus arrive. Que ça. C'est notre 5e saison en fait. 4e année, 5e saison. Mm-hmm. 4e année. Mais moi, j'écoutais ça en 2008. Là. Garde. 10, 11, 12, 13, 5e. Ça veut dire que dans 5 ans, on bat Friends. Non, mais je veux dire, ouais, après que tu aies fait un an, tu fais hey, c'est nous un an. Après, t'as fait 2 ans. Mais tu sais, après un an, on a fait 50. Ouais. À un an, on a dit. Là, non. Bref, calculez ça chez vous. Mais qu'est-ce que c'est, pas de problème, pour ceux qui se joignent à nous pour la première fois? Eh bien, c'est un podcast balado-diffusion où des gens nous offrent des problèmes via Facebook, Twitter, courriel, podproblème@gmail.com. Et où quatre experts en rien. C'est nous, ça. C'est nous, ça. S'improvisent, experts en tout. Ça, c'est nous autres. Pour offrir des solutions, des harmonies. Oui, ah, on n'est pas pire, ces harmonies. et des moments à chérir dans votre voiture ou en faisant la vaisselle. Ou en faisant la vaisselle dans votre voiture. Moi, je ne mentirai pas. Là, lavant votre voiture dans votre lave-vaisselle. Ouais! Ou en... Non. Et on aborde souvent des problèmes épineux. S'ils en sont un. Oui. Oh! Et allons-y pour le problème de cette semaine. Épineux. C'est-tu un problème épineux cette semaine? C'est oui. Il en est un. C'est un problème de pine. Oui, très épineux. OK. Mais continue de parler un peu là pendant que j'essaie de l'auder. Il était ouvert. Il était ouvert. Et il s'est fermé. La popessa. La... C'est super bon. Mais non, c'est un problème qui nous vient cette semaine de... rappelez-moi son nom. J'ai de la misère à lire. Jean-Louis Duval. Samuel Leroux Drolet. Oui, qui nous vient de Samuel Leroux Drolet et qui va comme suit. Comment prouver à mes parents que je ne suis pas homosexuel sans leur montrer mon sextape? Bon, il y a un sextape. Cela fait maintenant 2 ans que j'ai des blondes et dès que je sors avec un de mes amis masculins, ils pensent que c'est une date et c'est vraiment gênant. Vous pouvez utiliser mon vrai nom? Je viens d'avoir 18 ans. Boom! Yes! Ouais. Ah, ça, c'est un vrai problème. C'est épineux. Comment prouver à ses parents qu'on n'est pas homosexuel? Ben, c'est sûr que le temps va finir par faire la job. Là, oui. À quelque part, tu te dis... À un moment donné, ça va finir par passer. Moi, j'ai vécu ce problème-là, étant jeune. Je suis convaincu que tout... En fait, mon père a une blonde qui a des enfants et je suis convaincu que mes deux presque demi-sœurs pensais que j'étais gay. Là. Okay. C'est sûr. Parce que moi, je suis allé dans une école de gars au secondaire. J'avais juste des amis de gars. J'ai pas eu de blonde avant très tard. Puis de fil en aiguille, ils en ont déduit probablement que j'étais gay, ce qui n'était pas le cas. Mais à un moment donné, je pense que le temps finit par arranger les choses. Là, maintenant, j'ai 2 enfants et je pense qu'ils commencent à se douter que... Oui, mais en même temps, je me dis, c'est-tu vraiment important que tes parents soient convaincus que t'es pas homosexuel? Dans le fond, c'est ta blonde. C'est important qu'elle soit convaincue que tu ne sois pas homosexuel. Oui. Mais si sa blonde est aussi... Non. Ben non, parce que tu te dis, moi, mettons, mes parents, quand même, qui puissent bien se douter de ça, qu'est-ce que ça fait? À moins qu'ils soient deux parents très homophobes et qu'ils décident de me barrer de leur testament et que je puisse pas bénéficier des millions de dollars. Crise égale opportunité. Opportunité gay, oui. Non, mais sans farce, le sleepover de fille. Hey, papa, maman, je vous avoue, je suis gay. Ouais. Sleepover de fille. Yeah. Là, tu fais... Tourne en orgie. Ouais. Mais quels sont les pourcentages de personnes qui n'étaient pas gays à la base et se sont fait convaincre par leurs parents? Ah. Je dirais pas très gros pourcentage. Pas beaucoup. Quelques-uns. Non, mais c'est vrai que, tu sais, mettons, le film J'en suis, là, tu sais, où t'as un personnage straight qui passe pour gay, dans le fond, tu sais, et qui en tire des bénéfices professionnels de ça. Clairement. Il y a, tu sais, c'est comme tu dis, crise et opportunité. Oui, t'sais. C'est ça. Mes parents pensent que je suis gay, là, ben, tu sais, mettons, fais. Profite de ça, là, tu sais, genre, ah, c'est ça, vous voulez pas me passer le char parce que j'ai une tapette? Tu sais, comme, boum! Boum, là, ben tu sais. Ben oui. Là. Mais non, mais en même temps, t'as le meilleur des deux mondes. Si les gars pensent que t'es gay et les filles pensent que t'es straight, t'es vraiment le meilleur des deux mondes, là. Tu te dis, écoute, parfait, là. Moi, les gars me verront jamais comme des menaces pour leur potentielle conquête. Ouais. Et les filles... Non, mais même si les filles le voient comme gay et qu'il est straight, là, c'est je vais genre... le changer. Oui, il y a ça, je vais le changer. Il y a aussi comme, ah, tu sais, comment, tu sais, montre pas tes seins, tu sais, je suis ton meilleur ami gay. C'est dans genre... quel film, ça, déjà, quel gars... Mais il... ça finit-tu vraiment par marcher, ça? Moi, j'ai l'impression qu'un coup, t'es gay, t'es gay. Ah, c'est dans Kick-Ass. Ça se passera pas. Dans le film Kick-Ass, là, où la fille, elle pense vraiment qu'il est gay, fait qu'il l'amène chez eux, il monte ses seins. Oui, c'est vrai, ouais. C'est quoi la différence entre Kick-Ass et Superbad? C'est deux films complètement différents. Okay. Ouais. Moi, j'ai Superbad en tête. Kick-Ass, c'est un anti-super-héros et Superbad, c'est vraiment un stoner movie là, de deux jeunes qui vont dans un party. Puis aussi, la différence évidente qu'ils n'ont pas le même titre. Ouais. Ouais. Mais il n'y a même pas de lien entre les deux, je pense. Des personnages, des comédiens. Le méchant de Kick-Ass. Ah oui. C'est McLovin. Oui, c'est vrai. T'as alors, raison. Voilà. 7 degrés de séparation avec McLovin. Bon. Super! Non, mais tant qu'à ça, tu sais, teste tes parents. French des gars dans leur face. Ouais. Puis jusqu'à temps qu'ils te poussent. Parce que là, c'est ambigu. Tu penses que tes parents pensent que t'es gay. Il n'y a pas eu de. Il n'y a pas eu de dialogue. De dialogue. Le dialogue, ouais, c'est important. Ouais. Donc, juste faire. Sortir du placard, dire « Hey, je suis pas gay. » Ouais. Rentrer dans le placard, c'est quoi? Ouais. Rentrer dans le placard, c'est, un coming in. Un coming in. Oui. C'est frencher des gars à outrance, mais quand même se tenir avec des filles pour que tes parents disent « Hey, arrête de penser que t'es gay, mon gars, là. Ouais. Arrête de jouer. Je sais pas à quel jeu tu joues. » T'essaies de nous faire croire que t'es gay, c'est mais arrête, là, je le sais. Ouais. Tu sais, il peut peut-être mettre la pédale douce sur certains champs d'intérêt, sur certains champs d'intérêt qui peuvent être associés à l'homosexualité. Ouais. Tu sais, notamment, je sais pas s'il trippe sur le scrapbooking, sur la... les shows de drag queen. Sur les shows de drag queen. Et les collections de chaps. Oui. Ouais. Sur le maquillage. Tu sais, comme toi, Martin, tu sais, une fois que t'as abandonné ta passion du maquillage... Fait ça, tu sais pas une toutes les filles que tu voulais. Ben, je l'ai abandonné aux yeux de plusieurs. Mais chez moi, tout seul, passé minuit, une fois que ma blonde est couchée, je dois dire que je me fais des masques et des yeux charbonneux. Oui, on t'appelle souvent fond de teint boili. Hein? Ouais, fond de teint boili. Si c'est pas fond de tonne. Oh, ça c'est fond de tonne bouillon. Notamment en ce moment. Non, c'est pas vrai. Comme la fois que j'ai rencontré une femme fontaine. Oh! Hey, ça, si ça le rend pas straight. Une chance qu'il vient d'avoir 18 oui, ans. Oui. Ouais. Biscuit la boisson! Le party est pogné dans la place. C'est la référence qu'il a pas compris. Ouais, parce que moi, j'essaierais les messages subliminaux. Oui. Okay. Avec ses parents. Tu sais, à chaque fois qu'il y a une conversation avec eux, par exemple, qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui? Je suis allé au cégep. Cunis à gauche, cunis à droite. Je suis allé au cégep, tu sais, pas pas ta pète. Tu sais, ben, j'ai pris l'auto. Poké. No homo. Pas l'automo, là, l'auto. Ouais, ouais. Hmm. Mais s'il y a un sextape, ben peut-être prendre un film qu'ils ont, qu'ils regardent, je sais pas, un film que ses parents chérissent. Ouais. Faire un montage, un peu comme dans Fight Club, où il met une image sur 30, dans une seconde, ping, tes parents te voient en train de te faire une fellation par une fille. Boum! Ça reste gravé dans leur tête, mais ils savent pas pourquoi. Oui. Subliminal. C'est une autre forme de subliminal. Ouais. Montrer un sextape de soi à ses parents, je trouve ça impensable. Non, mais non, on va pas faire mais ça. Il pourrait le montrer à d'autres mondes qui en parleraient à ses parents. Mettons. Des amis de la famille. Son oncle et sa tante vont au ciné-parc, et là, il projette. Ouais. Son sextape. Oh non, mon sextape. Oh, c'est notre beau Samuel. La pub d'anniversaire de Diesel, là, où il prenait du vieux porn. C'est excellent. Il avait dessiné par-dessus. Il là. Cachait, oui. Ouais. Il pourrait faire ça avec son sextape. C'est vrai. Allez voir ça. Ouais, très mais bon. Sinon, admettons, là, une tactique de base, là, de laisser son cellulaire traîner. Ah, et de demander à une amie fille de le texter, de dire « Hey, pour vrai, la nuit que j'ai passée avec toi hier, je me suis jamais fait défoncer comme ça. T'es un vrai de vrai gorille. Change pas ta virilité. J'ai re-envie de ton gland. Ouais. J'en ai jamais assez. Gorille. Mais... Mais là, les parents vont faire « Regarde, Samuel, là, tu travailles fort pour faire en sorte qu'on pense que t'es pas gay. » Non, mais non. Mais non, tu sais, Samuel, c'est qui elle? Je m'en rappelle même plus. Cette fille-là est clairement lesbienne. Oui. Mais sinon, peut-être se séparer de sa blonde et ramener une succession de one-night filles à la maison. Boom! Boom! Puis indirectement, au lieu de montrer un sextape, de juste faire « Hey, je déménage ma chambre à côté de la vôtre et de donner tout ce que t'as, là. » Mais tu sais, ou juste, une fois que t'as beaucoup fini, t'ouvres la porte de chambre, puis c'est dégueulasse. Tu pisses ton condensal, tu meurs. Dans face à ta main. Non, c'est le mur, tu sais, de l'autre bord du corridor, puis là... Okay. Une petite collection de... mais ça implique pas que c'était avec une fille nécessairement. Là. Moi, j'ai une autre vraiment bonne idée. Ils ont vu la fille rentrer. Venir ici à Montréal, amène ton père, rentrer tous les deux dans un sauna gay et montre-lui à quel point t'es mal à l'aise, tu sais. Tu peux même, tu sais, comme... Oh, regarde, il est dans ma bouche, puis je suis pas capable. J'aille ça, je bande pas. Peut-être même faire des commentaires homophobes, tu sais. Ouais. Oh, regarde-moi, les tapettes, j'ai zaï. Non, mais ça, mais des fois, comme ça, on sait pas où ça va. Regarde-moi. Des fois, je pèterais la gueule. Moi, je me méfie plus des gens homophobes que des gens à l'aise avec la sexualité. Des fois, des gens hyper homophobes, tu te dis, hey, ça peut cacher quelque chose. Complètement. Quelque part, oui, ils ont fait des tests à, je sais pas trop, le psychologique, là, sur la stimulation. Puis, mettons, les pires homophobes, là, tu lui montrais des photos de jeunes Adonis. Là, puis il y avait clairement une zone d'excitation. Tu sais, comme... Le monde est tout croche. Le monde est pervers. Ou sinon, c'est de dédramatiser la chose à ses parents. C'est de faire comprendre subtilement à ses parents qu'il n'y a rien de mal à l'homosexualité. Mais probablement que ses parents, ils s'en foutent. Comme... Ouais, s'il l'incite à ça, là, quasiment. Là. Ouais, mais on ne sait pas. D'après moi, si pour lui, s'il si est aussi il est mal pris à un point qu'il nous a écrit, nous, pas de problème, ça doit être parce que ses parents ont un problème avec ça. Sinon, il n'aurait pas de problème, là. Ouais. Fait que donc, j'essaie de passer subtilement ça à leurs parents, là, faisant comprendre que plusieurs personnes sont gays, même les grands de ce monde. Semble-t-il que Léonard de Vinci se faisait souvent arrêter sur la voie publique pour sodomie. Ah. Oscar Wilde, des grands penseurs. Peut-être sinon il y aurait une solution étrange. Oui, où il parle à des fantômes. Devenir un loup-garou. Ah! Comme ça, on oublie la notion de sexualité. Non, mais il n'y avait pas une émission genre à Canal Vie ou à TLC, là, genre « Je suis en amour avec un manège de... » Oui, genre « My Strange Addiction ». Ouais, il y a une fille qui était en amour avec une grande roue. Pas puis TLC, elle... le groupe, là, le poste. Les deux. Les deux, ils ont... Oui, mon étrange dépendance, ça, c'est une émission assez weird. Mais oui, rencontrer ses parents, dire, écoutez, papa, maman, faut que je vous parle. Non, j'ai quoi de, je suis plus capable de garder pour moi. Je suis pédophile. Et là... J'irai pas là. Crinqué mes reins. Et puis après ça, deux jours plus tard, tu t'écoutes non-stop des podcasts. Et là, ils font, arrête d'écouter ça. Mais je vous l'ai dit, je suis pédophile. Et là, ils vont faire le lien. Ah, c'est Fiu, notre fils, est pas pédophile. Fiu Felaire. Et là, ils vont accepter pas mal tout ce que tu peux avoir dans la vie. Ils vont faire. Ça dédramatise un paquet d'affaires. Ouais. Sinon, faire un enfant à sa blonde. Oui. Puis là, après ça, quand tu arrives avec ta blonde qui a un enfant, déjà, ça brasse un peu la cabane. Mais peut-être aussi assumer d'être de son temps. Je veux dire, 2014, c'est le début de quelque chose, là. Les gens, tout le monde va être bi là, dans c'est le début d'un temps nouveau. Hein. Non? Non, puis ben, d'ici la fin de ce podcast-là, tout le monde va être bi, moi, je pense. Moi, je suis à moitié bi. T'es un quart. C'est drôle, ça. J'étais à moitié bi. T'es bi. Non, mais c'est vrai. Puis il y a beaucoup une... Il y a beaucoup encore une mentalité très présente là, qui nous vient surtout ça vient surtout du côté paternel, là, du patriarche qui est complètement contre l'homosexualité, qui dit que c'est malsain. Tu sais, c'est courant, on entend souvent ça. Moi-même, j'avais un père qui profanait des jurons contre les homosexuels. Fait que c'est encore très récent dans notre culture populaire, mais ça... Ça l'avance quand même à pas de géant et je pense que le step final va être nous avec nos enfants. T'sais. Peut-être se pogner une fille avec une burqa, ça va changer le mal de place. Sur tous les tabous. Ouais, c'est ça. Se pogner une burqa. Hein. Mais là, ils sauront pas si c'est un gars ou une fille. Ils vont faire tu y mets un voile clairement pour nous cacher que c'est un gars. C'est un burqa. La burcargo. Peut-être changer de religion aussi, tu sais, s'il devient, par exemple, juif hassidique. Ouais. L'homosexualité, ça n'existe pas vraiment dans la communauté. Tu sais, fait que ça évacue le problème. Ben, toutes les religions, j'aurais envie de te dire, l'homosexualité n'existe pas vraiment. Non, il y en a qui ça existe, mais ils l'acceptent pas. Par exemple, les catholiques, là, ça existe. Sauf que c'est un c'est péché. Juste qu'ils deviennent tous prêtres. Ah oui, pour les juifs, ça n'existe pas. Ben, je pense que ça n'existe pas. Calvados. Ben, ça n'a pas de choix d'exister. Ils sont pas allés sur la rue Visitation, eux autres. Hein? Non, mais c'est genre, c'est pas être gay, c'est juste avoir du fun. Mais peut-être que s'il enlevait les posters de One Direction puis de Bieber dans sa chambre. De Xavier Dolan. One Direction. The One Direction? Yes. Ouais, ça aide pas. Allons-y là, pour des solutions concrètes à go. Solution concrète. Ben, garder une blonde longtemps. C'est peut-être ça. Tu dis que tu as eu plusieurs blondes, mais ça, des fois, les parents peuvent dire « Ouais, c'est parce qu'ils se cherchent, là. Il a pas trouvé la bonne fille. Tu » sais. Moi, j'aurais tendance à dire avoir plein de blondes. OK. Back à back. Comme ça, tu es sûr que c'est pas juste une phase de « Ah non, mais il se réconforte. » Parler sans cesse de ses problèmes de filles. Avec les filles, ouais. « Ah, j'aime trop les filles. » Oui, non, mais tu sais, de dire « Ah, si elle m'a pas rappelé. » Tu sais, puis de s'en faire réellement pour qu'il fasse « Voyons, c'est vraiment un amoureux. C'est vraiment un lover des filles. » Mais sur Twitter, on en a quelques-uns. Il y a Yannick, l'ami de Jess Chapleau, de Balado 0420, qui écrit « Invite un gay chez vous. » Oui, un gay. Et montre à quel point t'es poche pour frencher un gars. Ouais, c'est l'idée de papa au sauna, là. Ouais. Jess Chapleau écrit « Fais un film porno avec une fille puis envoie ça à toute la famille par email », mais il a clairement dit qu'il voulait pas montrer son sextape. MC Flurry, Vincent Saint-Don, un de nos grands fans, « Tout ce qui me vient à l'esprit sont des solutions horribles que je n'ose pas écrire, mais que Mathieu a peut-être déjà dit. » Oh, ou déjà fait! Il y a Kevin Bergeron qui a écrit « Leur dévoiler ta liste. Vous savez, ce petit dossier caché profondément dans votre ordinateur qui contient des liens appréciés. » Oh! Très bien. L'historique de porn. L'historique de porn, ouais. Il n'y a pas de meilleure manière, là. J'adore. Puis là, tu fais « Ooh, love with midgets. » Bestialitics. Granny's MILF. Mm-hmm. Trainy Granny. Puis le MarieChantalToupin.com, un site dédié à sa carrière musicale. Ah là, il n'y aura plus de doute, hein? Ouais. Écrit un long poème en alexandrin sur la beauté des femmes. Ouais. Mais ça, c'est gay. S'il fait des choses vraiment dégradantes par rapport aux femmes, tu sais. Tu sais, je pense qu'il peut, sexuellement, je parle, tu sais, si, admettons, il laisse traîner justement des revues où c'est des gars qui pissent sur des femmes, des affaires de même, tu sais, ils vont dire « tabarnache, il est rock'n'roll. » Il est rock'n'roll, lui-là, là, c'est sûr qu'il n'est pas gay. Là. Ce qui est bien, c'est que ça va nous donner un sujet pour un autre podcast. Oui, oui, oui. Ouais. Mais souvent, on crée d'autres problèmes. Ouais, ouais. Ben oui, mais moi, j'ai envie de te dire, quand on n'a pas de problème, là, regarde, qu'est-ce que tu veux que ça fasse, que tes parents pensent ça? Si toi, tu n'as pas de problème avec ça, ça devient un problème à partir du moment où toi, t'acceptes pas le fait que tu serais ou serais pas homosexuel. Moi, j'aurais tendance à citer Casey à la Menopie. Ta gueule. Vis ta vie, puis reste en vie. Mm. C'est la chasse au trésor, mon trésor. Moi, c'est ma chanson préférée de lui, où tout ce qu'il a trouvé qui pouvait rimer avec trésor, c'est le mot trésor. Mais si... voyons, ça m'a fait oublier ce que je voulais dire, tout ça. Ah. Donc, vraiment. Ta gueule, vis ta vie plus reste en vie. Ta gueule. Parfois, trouvais-tu de noir, je me regarde en miroir. Je pense à ceux qui sont morts, ceux qui avaient raison, ceux qui avaient tort, ceux qui étaient faibles. Ceux qui étaient forts. Moi, j'aurais envie de citer D-Natural. Mon nom. D-Natural est mon nom. D-Natural. Est mon nom. Bon. Hop. Je rappe en français, puis c'est ça qui fait mon nom. Ça chire. Moi, j'aimerais citer le boyfriend. C'était un rappeur chic, toi. C'est un rappeur chic, toi. Alors, moi, mon ghetto blaster, c'est ma limousine. Voilà. Moi, j'aimerais citer Brandy et Monica. The boy is mine. You need to give it up. Had about enough. It's not hard to see. The boy is mine. Hey, ça allait bien jusqu'à temps qu'on chante. Alors, hey, n'oubliez pas que si vous en avez, vous, des solutions, écrivez-nous sur Facebook. Écrivez à Samuel. Il l'a écrit sur notre groupe, je crois, ce problème-là. Et aussi, si vous avez des problèmes, écrivez-nous. Hein? Je vous ai dit au début, pas de problème, @gmail.com. Ouais. Puis nous, là, les problèmes, on fait pas de distinction qu'ils viennent d'hommes homosexuels, d'hommes hétérosexuels ou de femmes hétérosexuelles. On les prend tous. C'est le problème. Tu veux pas de lesbien. Il y a eux autres qui viennent pas souiller notre podcast. Non. Que vous soyez straight ou hétéro, on prend tous vos problèmes. Mais pas les bi. Non. Que vous soyez straight ou hétéro, on prend tous vos problèmes. Donc, envoyez-nous ça et allez sur iTunes, iTunes Store, puis donnez-nous 5. 5. Ou rien. On est rendu où là, dans ce décompte-là? Je sais pas, j'allais checker. On a pas mal de votes, je pense. On doit être pas loin de 5. On est bon quand même. Hey, je vous l'ai dit, hein. Je vous l'ai dit que avec mon nouvel ordi, j'ai pu revoter sur Balado Québec et j'ai pu corriger mon erreur. C'est un nouvel ordi. C'est ça, je voulais dire tantôt. Si Simon avait été là, il aurait dit. Tu sais, mets-toi un butt plug avec de la hot fucking sauce dessus. Et ça va être leur dernier problème. Puis après, tu leur dis, regardez, papa, maman, j'aime même pas ça. Et voilà. Ouais, mais personne n'aimerait ça. Ouais, OK. OK. Alors, vos solutions préférées, les gars? Ma solution préférée, c'est Mathieu qui l'a dit tantôt, mais j'essaie de m'en rappeler. Pendant ce temps-là, Étienne va dire la sienne. Il y a une crise d'opportunité là-dedans. Là. Moi, je pense que c'est changer de sexe, ma solution préférée. Une solution que j'ai dit pour que tes parents sachent que t'es pas gay. Là. Oui, oui, oui. Attends, ça va m'en revenir. Bon, on va réécouter l'épisode. Non. Ouais. Non, mais ta solution préférée, Thomas-tu, c'est quoi? Ah ben j'ai dit mettre la pédale douce sur des intérêts homosexuels, tu sais, comme genre sors des douches là après tes cours d'éduc là puis va cruiser dans la salle des casiers. Oui, non, c'est sûr, c'est bon. On est à 103 5 ou rien. 103 5, et hein? Rien d'autre. Bravo tout le monde. Merci. D'écouter. On a bravo la gang soumis par Martin 225. J'ai soumis mon problème épisode 195. Et j'ai eu une tonne de solutions géniales. Merci les boys, nous avons un problème, vous avez un podcast. C'est super, hein? C'est cool. Oui, oui, oui, oui. Just Chapelot, un podcast intelligent, profond et plein de sagesse. Si vous n'aimez pas ces dernières qualités et adorez l'humour, vous devez absolument écouter Pas de problème. Très bien. Ah, voilà. OK. Ben, ma solution préférée, elle n'a pas été nommée encore. Mm. Et c'est la suivante. Rencontrer ses parents, mettons, une journée. Et leur dire, écoutez, papa, maman, il faut que je vous avoue, je suis homosexuel. Je suis hétéro. Et une semaine plus tard, demander à les re-rencontrer et leur dire, écoutez, papa, maman, excusez-moi. J'ai dit la semaine passée que je suis homosexuel, mais là, non, je pense que vraiment, j'ai des pulsions hétéro. Je suis hétérosexuel. Une semaine plus tard encore, les re-rencontrer. Leur dire, non, pour vrai, j'aime les hommes. Et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'ils fassent, hey, regarde, là. Bon, arrête de nous faire perdre mon temps. On s'en fout, là. Fais ce que tu veux. Et ton problème sera réglé, mon ami. J'aime ça. Puis là, deux semaines plus tard, ils font. Puis t'es rendu quoi, là? T'es rendu quoi? Je suis rendu un poisson. Je suis rendu de bête. Mais si il fait papa, maman, je sais pas ce que je suis. Je sais pas si je suis gay. Je sais pas si je suis hétéro. Mais si vous me payez un massage cochon, peut-être que je vais voir si je suis gay ou hétéro. Se faire payer des putes par ses happy parents. Happy ending. Mm-hmm. Ou se faire payer un séminaire de guérison de l'homosexualité. Ah, tabarnache. Ça, c'est... J'ai vu ça, ces DVD-là. Ça a l'air mon Ah, God. J'en ai vu un une fois. Moi, c'est épouvantable. La fille a dit qu'elle guérit de son homosexualité et elle pleure. J'ai jamais vu une fille autant malheureuse témoigner sur un, sur une vidéo. J'ai plus le droit d'être moi-même. Il y a But I'm a Cheerleader qui est un film de ça. But I'm a Cheerleader. Ça, c'est genre la fille qui pense pas être lesbienne parce que c'est une cheerleader. Mais elle est. Bref, là-dessus, continuez à nous écrire. Le mot de la fin, Mathieu. Vous avez un problème? Vous avez un problème. Avec les homosexuels? Avec les homosexuels. Nous avons un podcast. Nous avons Bruce Willis. Avec plein de monde.